Radio Boncon. En ces temps difficiles, le Boncon a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Boncon présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le Boncon qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la plus saison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est Orion. C'est toujours la La Bonne Chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique santé des Boncons sur la radio des Boncons. Aujourd'hui, avec Laura Violi, vous allez pouvoir découvrir une petite recette à faire chez vous parce qu'en ces temps de confinement, vous avez le temps de cuisiner. Je vous propose la recette du jour, bien évidemment végétarienne, pour prendre soin de vous. De l'orge perlée à la mimolette. Donc recette très simple, 15 minutes de préparation, 45 minutes de cuisson pour 4 personnes. Il vous faut 400 g d'orge pelée, 50 g de mimolette, 2 carottes, un oignon émincé, un petit bouquet de basilic et aussi un peu d'huile d'olive et de bouillon de légumes. Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon et les carottes coupées en dés, 10 minutes dans un peu d'huile, salée et poivrée. Deuxième temps, ajoutez l'orge perlée, le bouillon et couvrez. Laissez mijoter 35 minutes à feu doux jusqu'à ce que le liquide soit absorbé. Numéro 3, ajoutez la mimolette râpée et le basilic ciselé. Mélangez, servez bien chaud. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne écoute sur la radio des Boncons. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la plus saison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. La Bonne Chronique.